Michel, tout tient debout. Votre théorie semble coller à merveille. On va procéder tout de suite à des interpellations en ce sens, si vous le permettez.